Vamos, digamos, vamos. Qu'est-ce que tu nous fais? Rien, bah si, tu peux faire quelque chose, je pense. Pour faire quoi? Ok. Je vais t'écraser. Oh non. Je suis en train de me faire un peu de temps.